Du 13 au 17 avril, au Centre des congrès de Québec. Du 13 au 17 avril, le 9e art envahit la capitale. Spectacles, expositions, impro BD, animations, dessins en direct et plus de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs à rencontrer. Découvrez toute la programmation du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec au fbdfq.com. Le 29e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. J'espère qu'avant la fin de la saison, je vais être capable de siffler en même temps sans que ça paraisse, mais je n'ai pas réussi encore. Bienvenue en studio. Ici Jean Cloutier, mais je ne suis pas seul. Je suis en studio, évidemment, avec Dominique Bernier. Merci d'être là comme souvent, et peut-être pas assez souvent, mais exceptionnellement. Habituellement, on a Claude Veillancourt au téléphone, mais là, il est avec nous en studio. Merci, Claude Veillancourt, de profiter de votre passage à Québec pour être en studio avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Claude Veillancourt, président d'Attaque Québec, et Baptiste Gaudry. Et c'est un nom qui me disait quelque chose. Je sais, on a changé, on a déjà eu, Baptiste, je crois, au téléphone sur certains sujets d'actualité. Mais en se voyant pour la première fois, quand il est arrivé tout à l'heure, je me suis dit, je connais Baptiste. Et il m'a rappelé qu'effectivement, dans une activité de réunion de simplicitaires d'à travers le Québec, eh bien, tu étais un digne représentant de la région de Montréal. Oui, et tu as fait des promesses. Bonjour, Baptiste Gaudry, membre du conseil d'administration d'Attaque Québec, plutôt ici à ce titre qu'en tant que simplicitaire, mais je salue tous les simplicitaires qui nous écoutent et qui participeront peut-être au festival ou du Salon du Livre la semaine prochaine. Restez avec nous pour l'heure, mais la semaine prochaine, mettez à votre agenda. À 13h30, nous aurons Alain Deneau avec nous. Ça a été confirmé par les éditions Éco-Société. Donc, on parlera à ce moment-là de paradis fiscal, mais on peut pas s'en empêcher aussi d'en parler d'évasion fiscale aujourd'hui. Aujourd'hui, au menu, je profite de la présence justement de Claude Veillancourt pour parler d'un texte qu'il a écrit dans le Huffington Post. Et je salue Patrick White, l'éditeur, un bon ami, un ancien bénévole ici de CKRL, qui occupait nos vendredis soirs il y a quelques décennies de ça, ainsi que sa sœur, qui est journaliste au Journal du Québec, direction de l'information. Philippe Couillard est un individu estimable, cultivé, intelligent, affable. Il mène les débats politiques d'un ton posé, choisissant les mots justes. Il demeure clair, respectueux et rassure comme un bon père de famille. Il faut cependant séparer l'individu de sa fonction en tant que chef de gouvernement à mi-mandat. Peut-être pourrait-on avancer avec prudence qu'il est notre pire premier ministre depuis Maurice Duplessis. Ça commence à se gâter, là. Je vais laisser la bouche du cheval nous parler de ce texte qui a eu. Et tenez-vous bien, là, les chiffres sont assez impressionnants. J'ai remarqué qu'on ne peut pas faire plus que 12 000 j'aime à un texte d'Huffington Post, puisque j'ai tenté d'aimer votre texte et ça, c'est resté à 12 000. Donc, c'est plus que 12 000, ça peut être 20 000, ça peut être 25 000 personnes qui ont aimé le titre de votre texte, le pire premier ministre, avec un point d'interrogation quand même. On se questionne, hein? C'est pas un point d'exclamation. Quoique à la fin de l'article, on a quand même quelques petites pistes pour savoir où je me situe là-dedans. Oui, les commentaires, plus de 158 commentaires, en plus des plus de 12 000 j'aime. Et 3500 et plus partages. C'est un texte qui a vraiment, comme on dit, Dominique, l'expression que tu nous as... C'est un texte... C'est un texte viral. Un viral! Ça, je pense, alors, comment faire virer autant, Monsieur Claude Veillancourt? Que dites-vous dans le reste de cet article? Ben, ce que je dis, dans le fond, c'est que le problème avec Philippe Couillard, c'est qu'il s'attaque à ce qui distingue le Québec, à ce qui fait du Québec un endroit vraiment différent des autres. C'est-à-dire, je pense, une langue qui est la nôtre, le français. Ensuite aussi, surtout, je dirais, un état social qui est plus important. Et on est quand même une région où on n'aime pas les inégalités sociales. Et toutes ces politiques vont en ce sens de détruire ce qui nous caractérise, nous, ce qui est le peuple québécois. Donc, par exemple, ces politiques d'austérité, eh bien, c'est nous aligner, finalement, sur le modèle anglo-saxon qui se trouve ailleurs, sur le reste du continent. Ces politiques aussi sont tout à fait en faveur de accentuer les inégalités sociales. Hein. Quand on pense à, par exemple, négliger l'éducation, puis l'éducation, on sait que c'est le meilleur moyen pour les individus de s'émanciper, donc pouvoir vivre mieux, tout simplement. Quand on regarde toutes les coupes qu'il y a fait dans les programmes sociaux, donc c'est vraiment créer un État inégalitaire. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va hausser le salaire des médecins, hausser le salaire des députés. Donc, ça, on sent que c'est un premier ministre qui est vraiment préoccupé par l'esprit de caste. Hein. Alors, c'est des gens comme lui qui protègent, c'est le 1%. Et ça, moi, je pense que c'est profondément anti-québécois. Je pense que nous, on n'est pas comme ça ici. Et ça fait que ce gouvernement-là est un gouvernement extrêmement dangereux. Il est en train de détruire quelque chose qui est très important pour l'ensemble des Québécois. Alors, c'est ce que je dis en gros dans ce texte-là. Essentiellement, oui. Quand on voit les réactions, c'est pas toujours positif. Il y a des gens qui disent, écoute, on le remplacerait par qui? Parce que pour l'instant, on ne sait pas qui est-ce qui pourrait faire un bon mi-mandat pour le remplacer. Les commentaires sont, les séparatistes ont juste 30% dans les sondages. Ça pourra pas être donc PKP. Est-ce qu'on serait mieux avec un François Legault? Est-ce que un gouvernement de coalition pourrait donner plus de place à Québec solidaire? Donc, c'est vraiment le pire premier ministre depuis Duplessis. Vous pesez vos mots? Ben, moi, je pense qu'à cause de ça, c'est-à-dire ce qu'il pense de l'État québécois, ce qu'il fait de l'État québécois, c'est extrêmement grave. Son côté aussi dogmatique, hein, son côté aussi où il cherche carrément à aligner toutes les politiques du gouvernement québécois sur le modèle anglo-saxon, c'est le modèle nord-américain. Moi, je pense que c'est en train de détruire quelque chose. Et il n'y a aucun gouvernement, à mon avis, qui est allé si loin que ça. Donc, pour moi, c'est extrêmement grave. Hein? Et là, bien sûr, moi, je pense qu'il faut faire pression pour que ce modèle-là soit préservé. Je pense que la société québécoise est quand même assez attentive. Il y a eu beaucoup de manifestations depuis qu'il est au pouvoir. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Et je pense que ce modèle-là, il est très, très important pour les Québécois, on y tient beaucoup. Mais à ce moment-là, justement, il faut continuer. Il ne faut pas se dire, finalement, il y a bien des choses qui semblent aller mieux, ou ce gouvernement-là s'est gardé pour la deuxième moitié de son mandat l'idée de faire peut-être un peu plus d'investissement. Mais il a détruit tellement que rebâtir tout ça, moi, je pense que ça va prendre beaucoup plus qu'un deuxième mandat. Et il faut se questionner, justement, sur la question de quel type de société, quel modèle on va avoir au Québec. Les libéraux sont pas assez maîtres dans lors de faire de chaque élection une élection référendaire aussi, ce qui fait qu'ils sont maintenus au pouvoir, malheureusement, malgré leur bilan, malgré des soupçons de corruption quand même de plus en plus importants. C'est une situation particulière qu'on a au Québec, on dirait. Oui, tout à fait. Ça a pris que 18 mois à oublier tout ce qu'ils avaient fait le temps de Mme Marois. Et il semble que pour les Québécois, la question d'être éventuellement indépendant, d'avoir à subir un nouveau référendum, c'est plus grave que la question de la corruption. Parce que c'est ça, dans le fond, les dernières élections. Qu'est-ce que vous choisissez? Possiblement l'indépendance du Québec ou la corruption. Hein? Là, on est prêt avec des problèmes de corruption. Mais pour en venir à la corruption, personnellement, hein, la corruption, c'est quelque chose qui se règle plus facilement que la destruction du modèle québécois qui est unique en Amérique du Nord. Pour moi, c'est plus grave, là. Alors, évidemment, ça, c'est très relatif. Ça ne veut pas dire que je minimise la corruption. Je pense que c'est extrêmement grave. Mais je pense que c'est quelque chose qui se règle peut-être plus facilement. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien entre les deux? Entre la corruption et la dégradation du modèle social québécois tel qu'on le voit? Moi, je pense que oui. Hein? Mm-hmm. C'est-à-dire que dans l'idéologie de Couillard, ce qui est très important pour lui, c'est de réduire le rôle de l'État. Hein? Alors ça, il le dit à plusieurs reprises, il trouve que l'État est trop gros, mais si on réduit le rôle de l'État, si on enlève l'expertise de l'État, si on enlève aussi cette capacité de pouvoir, par exemple, intervenir sur des questions environnementales, etc., ça veut dire que là, on est carrément soumis à des gens, à des entreprises, par exemple, qui, elles, ont l'expertise. Hein, ils vont pouvoir imposer leurs conditions pour les contrats qu'ils vont remplir. Mmh. Donc, ensuite, faire de l'autosurveillance, de l'autorégulation. Exactement. Alors qu'on sait très bien, ça marche pas. Puis on sait ce que ça vaut. Hein. Donc voilà. C'est très relié. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le docteur Couillard, on a déjà entendu parler qu'il avait investi quelques deniers sur une île, Jersey ou Guernsey, une de ces îles normandes, oui, entre la Grande-Bretagne et la Bretagne. Alors, on n'a pas encore entendu beaucoup de noms sortir des documents de Panama, ou communément appelés les Panama Papers. C'est pas si important que ça, comme ça, pour nous. Il n'y a pas de nom québécois, il n'y a pas de Canadien. Peut-être une avocate quelconque là, qui sert quelques clients avec l'aide de quelques banques canadiennes, mais ça n'a pas l'air si important que ça. C'est que des noms qui viennent d'Islande, qui viennent un peu partout de France. Ouais, mais ben, est-ce que ça nous touche, les Panama Papers? Ben moi, je pense d'abord, c'est des millions de documents, là, c'est des millions de pages, c'est extrêmement complexe, donc on n'est pas venu à bout de ça. Ce qui est sorti quand même, c'est l'implication de la Banque royale du Canada. On a découvert qu'elle avait un nombre assez important de filiales. Ceci dit, on le savait, ça avait été révélé avant, mais quand même, ça ramène cette question-là dans l'actualité. Donc, il y a quand même un problème. Et aussi, peut-être qu'on peut se dire que, évidemment, c'est peut-être pas le paradis fiscal le plus utilisé par les Canadiens. Alors, imaginez s'il y avait des Barbade Papers, là, on ne sait jamais. Alors là, ça serait noir de Canadiens là-dedans. C'est clair, c'est le paradis fiscal le plus utilisé par le Canada et de loin. Donc, faut pas oublier que cette histoire, c'est une entreprise dans un seul paradis fiscal. Une très grosse entreprise, ça c'est sûr, mais hein, ça veut dire que c'est une partie d'un problème qui est beaucoup plus grand là, que ce qui a été révélé par les Pentagon, les Panama. C'est un lapsus révélateur, oui, sûrement, ça, parce que Mme Clinton a été associée aussi à ces Panama Papers. Là. Dominique, ben, fait, indirectement, c'est son chef de campagne qui s'appelle... John Podesta qui est lié par une entreprise qu'il a en Russie au Panama Papers. Son nom est sorti. C'est aussi quelqu'un qui est très, très impliqué dans la Bill and Hillary Clinton Foundation, cette fondation liée aux Clinton qui ramasse beaucoup d'argent et qui finance aussi en partie la campagne de Hillary Clinton. Donc, il y a des liens cette candidate à la présidence des États-Unis s'est empressée de démentir, mais quand même, des proches, elle-même n'est pas liée, mais des proches dans son entourage semblent avoir baigné un peu dans tous ces éléments. Alors qu'en Islande, ça me semble un peu plus proche. J'ai suivi l'évolution du dossier avec le premier ministre islandais. Je faisais un lien, mais avec Sam Ahmad, où ça a commencé avec une petite goutte qui est tombée sur son nom de premier ministre d'Islande. Puis éventuellement, il a nié que non, c'était sa femme qui avait investi. Mais finalement, quand l'information a été diffusée, il n'en avait jamais par-dessus la tête. Là. Il était vraiment impliqué directement. Ben, ce qui est assez étonnant dans le cas de l'Islande, c'est que effectivement, quelques temps auparavant, il avait été interviewé par des journalistes et il avait affirmé vraiment avec un aplomb incroyable qu'il y avait effectivement aucun avoir actif dans ces paradis-là, dans les paradis fiscaux ou offshore. Et même après les révélations, les trois premiers jours, il est resté dans de la négation, il est resté avec un certain mépris. Il y a eu des entretiens dans lesquels il a encore une fois écarté d'un revers de la main. Et c'est vraiment suite à la mobilisation citoyenne sans précédent. Et alors là, l'histoire le montre jusqu'à présent. En tout cas, l'Islande, c'est un beau laboratoire de la démocratie et de la participation citoyenne. Rappelez-vous, Jean, on a déjà eu... c'est un pays qui a jugé des banquiers dans les suites de la... De la crise économique. Est-ce que vous avez vu le film de Michael Moore, le dernier film de Michael Moore? Non, je ne l'ai pas. L'invasion américaine, eh bien, une bonne partie du film se déroule en Islande et on y montre que ce sont des femmes qui ont sauvé l'Islande. Il faut voir le film et il y a un lien direct justement avec la lutte à la corruption. Et le film de Michael Moore finit où on voit les images d'une prison très loin, très éloignée, où on a emprisonné les gens qui avaient été impliqués dans le scandale des banques. Et semble-t-il, c'est des femmes qui ont pris leur place et les seules femmes banquières qui étaient sur place, dont une ministre très, très importante, sont devenues celles qui ont fait partie de la solution finalement, qui ont permis d'emprisonner des banquiers et avec fierté, semble-t-il, il y avait un lobby de féministes qui avait réussi à faire le ménage dans les banques islandaises. Mais il faut voir le film de Michael Moore pour voir l'importance de ce qui s'est passé en Islande au sujet des banques. Effectivement, il y a plus d'une dizaine de banquiers qui ont été jugés, mis en prison. On peut aussi nommer l'Assemblée constituante. En 2011, les Islandais s'étaient dotés d'une Assemblée constituante pour écrire, rédiger une constitution. Bon, on sait les suites qui n'ont pas nécessairement été les plus positives. Mais dans le sillon des révélations qui touchent plusieurs ministres, pas simplement le Premier ministre, mais aussi le ministre des Finances, au premier chef. Incroyable. Moins de 24 heures après, il y a une pétition qui a été signée demandant la démission du Premier ministre, 23 000 signataires, et peu après, une manifestation. Et une manifestation qui est considérée comme la plus importante dans l'histoire du pays, la plus importante manifestation politique dans l'histoire du pays. Alors les chiffres varient comme toujours dans les manifestations, mais il y a plusieurs observateurs qui s'accordent pour dire qu'il y avait 22 000 personnes. 22 000 personnes sur 330 000 habitants. C'est important de le dire. C'est moins que la population de la ville de Québec. Hein. C'est la moitié de la ville de Québec. Non, exactement. Puis dans les médias, c'était assez touchant parce qu'il y avait certains témoignages de manifestants qui s'étaient déplacés. Donc, ils ont été interviewés. Pourquoi vous venez? Alors, il y avait une assistante maternelle qui avait fait 2h30 de route, qui vient d'un petit village de 850 habitants, puis qui dit « Nous avons été trahis par ceux en qui on avait mis notre confiance. » Parce que ce qui est particulier, c'est qu'après cette crise économique et financière, ils pensaient avoir été débarrassé un peu d'une mauvaise gestion, et là ça reprend, et au plus haut niveau d'une certaine manière. Alors il y a une espèce de frustration envers un système de taxation à deux vitesses dans lequel les Islandais, la majorité des Islandais, paient leurs taxes dans le pays, contribuent à la solidarité fiscale, et une élite qui place son argent du pays. Alors c'est sûr que alors que, comme je vous disais tantôt, le Premier ministre avait juré publiquement qu'il s'était rien passé, finalement il possède, par l'intermédiaire de sa femme, en fait une entreprise dans les offshore. Donc oui, ça a pas mal remué, je pense, la société. Puis, mais je vous dirais, c'est une victoire en demi-teinte pour la société civile islandaise. En fait, oui, démission du Premier ministre, acculé à démissionner, en même temps remplacé par son ministre des Finances du même parti, qui lui aussi est nommé dans le scandale des Panama Papers. Alors qu'une une majorité d'Islandais réclame des élections, ben oui. Le gouvernement reste en place. Le vice-président, donc comme je disais, le ministre des Finances, finalement, c'est une personne qui a défendu le Premier ministre en place, qui le remplace. Et on a un peu l'impression qu'il y a quand même une vieille garde qui reste au pouvoir, qui s'accroche. Mais c'est pas fini, hein. Semble-t-il que les gens sont encore dans la rue, puis sont insatisfaits du règlement de la situation. Yeah. Puis, je sais pas si ce parti-là, il réclame justement des nouvelles élections. Exactement. Il y a une grosse insatisfaction. Il y a le parti pirate, qui est un des gros partis, en tout cas, qui rassemble en ce moment beaucoup d'intentions de vote. En fait, le Premier ministre avait demandé la dissolution de l'Assemblée, du Parlement. Et ça a été refusé. Et en fait, ça aurait été une bonne chose qu'elle soit acceptée, parce que dans cette vague d'indignation, on a pensé que le parti pirate aurait pu remporter avec 40% des intentions de vote. C'est sûr que je pense qu'on va assister dans les prochaines semaines. Il y a des élections qui sont annoncées à l'automne. Alors il va falloir surfer sur cette indignation en espérant que il se passe pas comme il se passe ici, que les Islandais aient la mémoire longue et pas la mémoire courte comme au Québec. Leur capacité de mobilisation est quand même impressionnante. Ce serait bien qu'on ce serait bien de voir la même chose un peu ici parfois. Ben, est-ce que les gens vont sortir pour les Panama Papers si jamais il y a des noms québéco-canadiens qui sortent? Est-ce que on devrait viser les banques royales, la banque Scotia? Est-ce qu'il y a des activités? Peut-être qu'on pourra en reparler. Il y a quand même certaines actions à venir. Mm-hmm. La Main Rouge, on a une journée nationale d'action à venir le 29 avril. On donnera les détails avant la fin de l'émission pour ceux qui sont révoltés de ce qui se passe. Mm-hmm. On pourra probablement, d'ici le 29 avril, avoir connu certains noms qui sont disponibles entre les mains de certains journalistes de Radio-Canada. Il y a même l'Agence de revenus Canada qui demande par la voie publique, pour sensibiliser la population, qu'ils veulent avoir des noms qui seraient entre les mains de certains journalistes. Donc nous, on vous garantit que si c'est public, CKRL se fera un devoir, puisque vous avez été tellement généreux au dernier Radioton la semaine dernière. On n'a pas eu l'émission, comme vous le savez, et on a ramassé 44 000 $ et plus. Alors, ce qui est 4 000 $ de plus que l'objectif, et c'est pour qu'on puisse continuer à avoir des émissions indépendantes, libres d'esprit, comme le grain de sable. Merci beaucoup, Baptiste Gaudry, de cette recherche sur l'Islande. Ça nous donne le goût quand même d'y aller faire un tour là-bas. Peut-être que c'est plus chaud. Oui, tout à fait. Puis moi, je suis persuadé qu'en tout cas, il va y avoir des suites pour le Canada. C'est sûr que ça rappelle un peu, comme on disait tantôt, ce qui est gênant, c'est d'avoir élu un premier ministre qui lui-même avait utilisé ses paradis fiscaux après avoir travaillé en Arabie Saoudite. Mais même en ce moment, ça remet sur la table l'accord de libre-échange qui a été signé avec le Panama, qui a été entériné en 2013, qui est un accord qui permet des investissements autant du Panama au Canada que qui facilite l'investissement et la sortie des avoirs financiers vers le Panama. Puis on sait que le Panama, c'est une machine à laver de l'argent, du narcotrafic, notamment en provenance de Colombie. Et donc là, il y a un enjeu. Et puis Justin Trudeau s'est exprimé il n'y a pas si longtemps que ça, en disant qu'il allait utiliser ces accords-là comme un levier pour essayer d'avoir une certaine régulation, un certain contrôle. En fait, ce que Justin Trudeau a dit, c'est assez fantaisiste, si peux me permettre. Là, ce qu'il dit, c'est qu'à l'intérieur de cet accord-là, on pourrait trouver les leviers pour s'attaquer au problème de l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Bon, moi, j'y souhaite bonne chance de trouver quelque chose dans cet accord qui va permettre d'arriver là. C'est des accords de déréglementation, donc il n'y a rien qui va aller dans ce sens-là. Mais quand même, nous, à ATTAC, on s'était prononcé il y a très longtemps contre cet accord-là, mais au moment, c'est-à-dire où il s'est conclu, on avait dit publiquement que le Canada ne devait pas conclure un accord avec un paradis fiscal qui occupe une telle importance, qui est aussi un paradis fiscal très lié au narcotrafic, c'est ça. Et on a pu voir qu'il y a plusieurs criminels, là, c'est ce que ça a révélé aussi, les documents qui ont été découverts. Donc, actuellement, c'est sûr que nous, on dit, c'est une raison pour remettre en question cet accord-là qui aurait jamais dû être signé par le Canada. Et on s'est exposé maintenant publiquement à quel point le Panama est un pays qui est profondément impliqué dans toutes ces questions d'évasion et d'évitement fiscal. Est-ce qu'il y en a d'autres que le Panama, d'autres pays avec lesquels le Canada a des ententes qui se rapprocheraient plus justement de la protection pour l'évasion fiscale que du commerce de libre-échange? Parce que le Panama, je ne pense pas que ça produise beaucoup de produits autres que... Non, c'est ça. Les échanges commerciaux avec le Panama sont minimaux. Là. C'est presque rien. C'est un accord qui était d'abord et avant tout politique, hein, pour créer une espèce de système d'alliance, disons des pays d'Amérique latine qui sont pro-États-Unis, donc parce que tout ça se passe là sous la couverture des États-Unis, et contre les autres pays qui sont à gauche, par exemple, et qui, eux, échappent un petit peu au contrôle du système américain. Donc, faut voir ça comme un accord qui est peut-être beaucoup plus politique qu'économique, parce que c'est sûr qu'on n'a rien senti dans l'économie canadienne suite à la conclusion de cet accord-là. Là, c'est... Oui, puis je pense que la firme d'avocats qui était associée à ça, ici, de Montréal, semble aussi faire des affaires au Belize, donc ce genre de pays qui fait partie de l'Empire britannique. Donc, faudra peut-être surveiller peut-être de ce côté-là si jamais il y a des noms qui sortent. Essentiellement, il y a le partenariat transpacifique. Est-ce qu'il y a il y a des consultations qui sont menées sur ce partenariat communément appelé le PTP, qui regroupe 12 pays, 800 millions de population, un PIB de plus de 28 milliards. Donc là, il y a beaucoup de business là dans tous ces pays transpacifiques. Mais est-ce qu'on peut y faire un lien? Est-ce que ce genre d'entente pourrait être celle que M. Trudeau ou Stéphane Dion utilisent pour faire la recherche contre l'évasion fiscale? Non, ça c'est le partenariat transpacifique, là, ça c'est une grosse affaire, hein, par rapport au Panama, c'est microscopique. Oui. Hein. Et ça, ça n'a pas vraiment rapport à l'évasion et l'évitement fiscal, c'est plutôt rapport au commerce international. Et je dirais même pas vraiment le commerce international, en fait, le pouvoir des multinationales. Okay. C'est un accord qu'on fait dans le strict intérêt des multinationales, et c'est un accord qui est même dicté par les multinationales. Donc, ça va quand même assez loin. Alors, la question, c'est est-ce qu'on l'accepte ou on l'accepte pas, hein? Alors, le gouvernement canadien actuellement fait des consultations pour ça. La ministre qui s'occupe du dossier, Chrystia Freeland, a fait des consultations qui ont été dénoncées. C'est-à-dire, elle arrivait dans une ville et là, en donnant très peu de temps pour les gens de s'organiser, elle convoquait à une réunion qui durait une heure de temps. Hein, alors, très, très rapide, une consultation finalement qu'on a dénoncée parce que c'est une consultation factice. Bon, actuellement, il y a quand même une commission qui va avoir lieu là-dessus, puis nous, à ATTAC Québec, on va écrire un mémoire, mais ce qui est... Donc, c'est ça, voilà, c'est sûr que le gouvernement canadien, officiellement, appuie cet accord-là et ouais, parce que le 4 février dernier sur la qualité de la consultation. Le 4 février dernier, les ministres se sont des 12 pays se sont réunis puis ont signé à Auckland en Nouvelle-Zélande le processus d'enterrinement, si on peut c'est dire. C'est ça. L'accord est signé, mais il n'est pas ratifié. Donc, dans chacun des la signature, c'est comme une espèce de reconnaissance officieuse. Oui, mais l'accord va passer au Parlement. Cours quand il sera ratifié. Donc, ça va passer par les parlements. Donc, il faut que les parlements approuvent, finalement, officiellement, cet accord-là pour qu'il puisse avoir lieu. Ce qui est spécial avec cet accord-là aussi, Claude, je crois, c'est que on a déjà des ententes de libre-échange avec la plupart de ces pays-là, déjà. Donc, l'objectif derrière ça est comme... Il y a comme un objectif occulte qui est plus géopolitique, on dirait, de créer comme une genre d'alliance en opposition un peu au BRICA, c'est-à-dire à l'union qui est faite entre le Brésil, la Chine, l'Inde et ces pays-là, l'Afrique du Sud, qui permet de... En fait, qui commence à être une force géopolitique très, très importante. Et on sent un peu que les États-Unis ne veulent pas perdre leur place là, de leur place un peu... Le contrôle de leur empire, en fait, mondial, si on veut, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, il y a vraiment une recherche là, d'avant tout démontrer de la force là, du côté des Américains. Oui, c'est exact. D'ailleurs, quand Barack Obama vante cet accord-là, il en parle plus comme, effectivement, un moyen de rétablir ou de renforcer la suprématie des États-Unis. Mm-hmm. Et l'accord cible, c'est vrai, les pays du BRICA, mais plus spécifiquement, c'est très clair que c'est un accord contre la Chine. Mm-hmm. Et le message qu'on envoie à la Chine, c'est soit vous vous joignez à nous, mais là, vous appliquez nos règles du commerce international, pas les vôtres, hein? Ou soit vous ne joignez pas à nous, mais là, à ce moment-là, vous allez dans une espèce de sphère à part. Donc ça, c'est très clair, la raison géopolitique, elle est très, très importante. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que, ce que ça va nous coûter, est-ce que ça va coûter même aux Américains eux-mêmes, ça risque de leur coûter cher, parce qu'évidemment, c'est une conception, disons, du commerce qui est, comme je le disais tout à l'heure, totalement à l'avantage des multinationales, mais pas à l'avantage des population. Parce qu'en fait, ce que ça vient faire, c'est pas abolir, mettons, des barrières tarifaires aux douanes, mais c'est abolir ou affaiblir grandement les barrières non tarifaires, c'est-à-dire nos lois et règlements, notamment celles qui protègent l'environnement, celles qui protègent le droit du travail, la santé. Donc, quand on vient affaiblir ces protections sociales-là qu'on s'est données par un genre de loi qui est au-dessus des lois, dans le fond, qui est au-dessus des lois des différents pays, on vient jouer dans vraiment tout autre chose que le commerce. Là. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le commerce. C'est beaucoup plus avec la mainmise d'une poignée d'entreprises sur la démocratie. C'est plutôt des multinationales qu'on pourrait appeler plutôt des transnationales, transpacifiques. Oui. Parce que, dans le fond, l'expression entreprise multinationale, c'est beaucoup plus loin de la réalité que de dire transnationale. Je me souviens, quand on était à l'ENAP, on nous faisait dire du Joseph Stiglitz. il nous rappelait que ces entreprises-là ne veulent pas voir la planète comme étant multiple, mais plutôt qu'eux puissent faire ce qu'ils veulent, donc la transnationalité de leurs actions. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, tout à fait. Bon. Alors, c'est ça. C'est plutôt en rapport avec cet esprit géopolitique de vouloir faire en sorte que le bassin de jeu, le terrain de jeu de ces grandes entreprises... Puis là, nommons-en des entreprises... on parle de Monsanto, de ce monde, les grandes minières, Microsoft, Google, qui tout en voulant se transnationaliser, veulent surtout pas payer d'impôts aux endroits où ils devraient le faire. C'est pas tellement une question d'impôts, c'est une question de contrôler les réglementations, c'est ça. C'est ça. Donc, pendant cet accord, l'accord transpacifique, il y a la possibilité pour les entreprises de poursuivre un gouvernement si le gouvernement les empêche de réaliser des profits réels ou même des profits futurs. Ça veut dire que c'est très important, les entreprises ont un pouvoir de lobbying. C'est-à-dire, s'ils entendent parler d'un gouvernement qui veut passer une loi X qui va contre leurs intérêts, ils peuvent menacer de poursuivre. Donc, ça donne aux entreprises, finalement, une espèce de contrôle de l'agenda législatif. lucratifs dans le domaine du commerce, ce qui est énorme. Hein? Mm-hmm. Alors, vous avez parlé de Joseph Stiglitz. Moi, j'ai eu la chance de l'entendre vendredi dernier à Ottawa dans une journée qui était consacrée au partenariat transpacifique. Et il a dénoncé ça, mais avec toute la vigueur qu'il pouvait y mettre, il trouvait que c'était tout à fait inacceptable et que ça donnait finalement aux entreprises une protection juridique pour la délocalisation. C'est-à-dire qu'ils vont faire des affaires dans un autre pays parce que ça leur coûte moins cher. Et si dans l'autre pays, ben, le gouvernement passe des règlements qui vont contre leurs intérêts, ben, ils peuvent agir contre ça. Donc, c'est ce que ça fait. C'est extrêmement grave, disons, pour notre économie, pour l'ensemble de l'économie, parce que aussi, ça fait baisser toutes les normes du travail. Dans le fond, les entreprises vont là où ça leur coûte moins cher et où les normes de travail sont les plus basses. Donc, ça crée une espèce de nivellement vers le bas qui est extrêmement dangereux et qui affecte tout le monde, tous les partenaires là, du pays surtout du quand transpacifique. Quand on cite justement Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie ou de la Banque de Suède, Parce que prix Nobel, c'était pour la littérature à l'origine, monsieur Nobel. Ben non, il y a plusieurs prix Nobel. Le prix Nobel dans le domaine scientifique. La paix. Chimie. À l'origine, plusieurs de ces prix ont été créés après. Non, le seul prix Nobel, entre guillemets, qui a été créé après, c'est celui de l'économie. Hein? Les économistes cherchent beaucoup de reconnaissance. Ils veulent que leur discipline soit scientifique. Alors, ils ont dit, Monsieur Nobel nous a oubliés, donc nous allons en créer un. Hein? Je sais pas si Monsieur Nobel aurait vraiment approuvé, mais enfin, c'est comme ça. John Stiglitz, qui, à l'époque, a déjà été conseiller économique de Bill Clinton, donc qui connaît les aléas et les couloirs de la Maison-Blanche, qui a un peu viré son capot après avoir passé à la Banque mondiale. Donc, je sais que c'était un homme. On en reparlera parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a viré son capot. Renault, ceux qui ont lu les journaux ces temps-ci savent que Renault vient de sortir un nouveau disque. Et imaginez-vous que Renault a embrassé un flic. Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic. The

un économiste de cette envergure-là qui a pas toujours été contre le libre-échange ou qu'à certaines époques de sa vie, il a même participé un peu à le mettre en place dans les années 90, on peut dire. Mm-hmm. Finalement, se rendre compte de son erreur, ça fait quand même longtemps qu'il s'en est rendu compte, mais s'opposer aussi farouchement à un accord de cette envergure, c'est une aide inespérée, je pense, pour des groupes militants comme le nôtre. Oui, ben c'est un impact énorme, hein, parce que j'étais dans la salle et il y avait des gens du Parti libéral, du Bloc québécois, du NPD. Alors là, je pense qu'ils ont très, très bien entendu le message. Et ensuite, ça a été beaucoup répercuté dans les médias au Québec et au Canada. Ça a fait des unes même, alors que Joseph Stiglitz, le grand économiste très, très respecté, se prononce d'une manière aussi nette contre cet accord de libre-échange. Mais c'est clair que ça va faire réfléchir pas mal de monde. Hein? Et je peux vous dire que j'ai rencontré certains des organisateurs de cet événement. Là, ils étaient très, très heureux. Hein. Et souvent, eux, ils avaient un point de vue de spécialiste qui analysait des parties de l'accord. C'est extrêmement intéressant. Joseph Stiglitz n'a pas cette connaissance aussi précise de l'accord, mais quand même, il a une très grande connaissance de l'économie, on le sait. Et quand lui se prononce sur quelque chose, ben, c'est évident que ça a un impact assez, assez important. Mais quels étaient ses principaux arguments à Stiglitz? Ben, deux choses qu'il disait. Premièrement, c'est la fameuse question là du mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et États. Donc, ce qui permet aux compagnies de poursuivre les États. Ça, il trouvait ça mais complètement aberrant et extrêmement dangereux et profondément antidémocratique. Il n'a pas mâché ses mots, je peux vous le dire. Et le deuxième reproche qu'il faisait à cet accord-là, c'est son ambiguïté. Hein, et il a trouvé une très belle formulation. Stiglitz est très fort pour trouver des formulations très justes. Alors, il disait, la seule chose qui n'est pas ambiguë dans cet accord, c'est qu'il est totalement ambigu. Hein? Alors, ça veut dire que c'est un chèque en blanc, cet accord-là. Hein, ça veut dire qu'on peut en faire n'importe quoi. Dans l'intérêt des entreprises, bien sûr. Alors, parce que c'est sûr qu'il y aura, il y a pas moyen de le tourner dans notre intérêt à nous, l'ensemble de la population. Donc, un accord d'une telle ambiguïté qui a été négocié en secret, puis maintenant qu'il est rendu public, ben, on le comprend pas davantage. Et même les spécialistes, les juristes n'arrivent pas à comprendre des passages assez importants de l'accord. Ben, ça veut dire, est-ce qu'on peut signer ça en tant que population? Mm-hmm. Ça me semble complètement irraisonnable. C'est un accord qui ratisse très large aussi, qui touche vraiment tous les aspects de notre vie. Ça vient, bon, pour les pays du Sud, ça a des impacts très, très importants. Ça vient faciliter, disons, la privatisation des semences, notamment, en obligeant les pays à ratifier l'UPOV 91, qui est, on rentrera pas dans les détails, mais qui vient, entre autres, empêcher les agriculteurs de partager leurs semences puis de les garder d'une année à l'autre pour les ressemer. Pour nous, au Canada, ça peut paraître pas si important que ça, mais dans certains pays du Sud qui sont partie prenante du PTP, ça peut être une question de vie ou de mort là, pour des agriculteurs, pour des paysans pauvres de ces régions-là. Ça vient aussi augmenter la durée des brevets sur les médicaments. Claude, tu veux peut-être en parler, mais c'est vraiment quelque chose de majeur qui va vraiment augmenter les coûts pour nous ici, augmenter les coûts du système de santé, augmenter nos coûts à titre individuel pour se procurer des médicaments, mais encore plus, encore là, dans les pays du Sud, en rendant pratiquement impossible l'accès à des médicaments parfois vitaux avec cette prolongation des brevets qui retarde dans le fond l'entrée des médicaments génériques sur le marché, lesquels sont beaucoup moins chers, on le sait. Puis il y a même des clauses, une clause Microsoft qu'on appelle, qui est une clause qui vient, même avant de penser au règlement des différents investisseurs-États, cette clause-là fait en sorte qu'un gouvernement ne pourrait pas obliger que, par exemple, dans un appel d'offres pour des produits informatiques, qu'il y ait une clause disant qu'on doit avoir accès au code source. On sait que c'est quand même le fait qu'on puisse avoir accès au code source, là, ça peut être critique là, dans certains cas pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de coût. Les logiciels libres sont souvent beaucoup moins chers que les logiciels propriétaires. Bien là, on vient de couper l'herbe sous le pied à l'essor du logiciel libre de cette manière-là. Ah, oui. C'est quand même incroyable. Et dernière chose, et non la moindre, hein, c'est la question environnementale. On vient de signer un accord de Paris dans lequel on voudrait garder la hausse de la température à moins de 2 degrés. Alors, tout tout ce type d'accord-là, d'abord, ça permet aux entreprises de poursuivre les gouvernements sur des lois environnementales, mais c'est aussi une manière de faire du commerce où les produits se déplacent énormément, ça favorise les circuits longs, l'agro-industrie. Tout ce qui est consommateur d'énergie fossile, c'est encouragé par cet accord-là. Donc, c'est tout à fait paradoxal de dire que d'une part, on signe l'accord de Paris, puis d'autre part, on fait la promotion d'un accord de libre-échange comme le PTP. Puis nos gouvernements vont nous dire que c'est un gouvernement qui un accord qui protège, dans le fond, le pouvoir de légiférer dans nos différents gouvernements. Puis en effet, il y a une clause qui dit que les gouvernements conservent le droit d'adopter des lois et règlements pour protéger la santé et l'environnement qui soient conformes à l'accord. Donc, ça vient s'auto-annuler, dans le fond, parce que si c'est conforme à l'accord, ce n'est pas protégé. Donc, si ça a besoin de protection, c'est que c'est pas conforme à l'accord. Donc, il y a comme une auto-annulation de ces dispositifs-là qui seraient supposés normalement protéger la capacité des gouvernements, protéger la démocratie. Mais encore, on parlait d'ambiguïté, hein, ça en est une belle, celle-là. Oui. Baptiste Gaudry, est-ce qu'il y a des activités qui pourraient nous aider à être encore plus sensibilisés à ce genre de discours? Je sais qu'il y a deux conférences de Claude Vaillancourt à Sherbrooke le 27 avril prochain, rappelant que Claude est auteur de L'Empire du libre-échange aux éditions Éco-Société 2014. Il en reste encore de ces livres-là? M-éditeur. Oui, il en reste encore. Oui. M-éditeur. M-éditeur. Ah, ben, il faudrait corriger le site d'Attaque Québec qui annonce que c'est Éco-Société 2014. Non. Mais en fait, Jean, vous me permettez de rappeler à nos auditeurs pour lesquels ce n'est pas déjà fait d'aller s'inscrire sur la page Facebook d'Attaque Québec. En fait, sont postées régulièrement les conférences qui sont faites. Il y a aussi, Attaque Québec a une offre de formation sur différents enjeux. Donc, on peut être sollicité par des groupes de citoyens, par des organismes communautaires pour certaines formations, et ça pourrait concerner le libre-échange, mais on a parlé des paradis fiscaux tantôt. Donc, j'encourage nos auditeurs à aller en ligne, à la fois sur notre site Facebook ou sur le site web Attaque Québec. Mm-hmm. Concernant le PTP, il faut savoir que tout n'est pas gagné, Jean, parce que, en fait, le PTP, beaucoup de dépend beaucoup des Américains, hein. On sait, c'est les États-Unis qui ont lancé les discussions sur cet accord-là. Et puis, actuellement, on est en année électorale aux États-Unis. Ce sont les primaires républicaines et démocrates actuellement. Les deux principaux partis se cherchent un nouveau chef. Et les quatre principaux concurrents, les deux républicains, M. Trump et M. Cruz, de même que les deux démocrates, Mme Clinton et M. Sanders, sont tous opposés au partenariat transpacifique. Et il faut dire qu'ils le sont, hein, à cause de la population américaine qui regarde ça, qui trouve que c'est pas vraiment acceptable pour eux. Ils ont des problèmes à cause des délocalisations. Ils ont des zones qui sont complètement abandonnées. Ils souffrent énormément d'emplois précaires, d'emplois qui disparaissent. Et je pense que quand ils se présentent devant le peuple américain, ils ont pas le choix d'être confrontés à cette réalité. Puis d'observer que, dans le fond, le libre-échange, ça va ne faire qu'accentuer ces problèmes. Effectivement. Il y en a qui sont peut-être plus crédibles que d'autres dans leur opposition, par contre, parce qu'on sait que certains sont assez nouveaux, s'opposent de façon assez nouvelle à cet accord-là, sans doute poussé par leur gauche ou par leur droite dans certains cas, parce qu'on sait que des fois, l'extrême gauche et l'extrême droite, presque sur certains points, se rejoignent un petit peu bizarrement. Mais Mme Clinton a longtemps défendu ce partenariat transpacifique, mais maintenant qu'on voit une montée assez spectaculaire de Bernie Sanders sur sa gauche, eh bien là, tout à coup, elle prend des positions beaucoup plus à gauche, y compris une opposition au partenariat transpacifique qu'elle a pourtant défendue au début. Donc, ce qui se passe aux États-Unis est absolument passionnant. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean, qu'il y a deux semaines, on en a parlé un tout petit peu. Et à ce moment-là, tu m'avais dit que, bon, Bernie... On a écouté une belle chanson aussi que tu avais découvert. Oui, oui. Mr. Sanders. Exactement. Bon, je cacherai pas que je suis une grande fan de Bernie Sanders. Nouvelle fan parce que je le connaissais pas avant avant le début. Pourtant, c'est un voisin du Vermont. C'est surprenant qu'on n'en ait pas entendu parler beaucoup avant. On entendait parler. Moi, je me souviens que il y avait ce fameux sénateur socialiste quelque part aux États-Unis, puis que c'était au Vermont par hasard, et puis qu'on se demandait comment un socialiste pouvait tout simplement exister aux États-Unis. Et tout à coup, on apprend qu'il se présente contre Hillary Clinton. Mm-hmm. Bon, ça va durer une semaine ou deux. Ben non, voilà qu'il persiste. Et là, ensuite, il monte dans les sondages et qu'il se gagne de plus en plus de popularité. Là, on annonçait pendant un certain temps qu'il serait mort, que de toute façon, il n'y avait aucune chance. Là, il se met à remporter un État après l'autre. C'est quand même une espèce Ce qui est remarquable dans le cas de Bernie Sanders, c'est que c'est la cohérence de son discours. Tout à fait, oui. Depuis 30 ans, il est extrêmement cohérent et on ne peut pas le piéger avec ses propres déclarations. Il a le même message, un message simple qui martèle. Et ce qui a changé, c'est l'attention médiatique qui a été accordée à son message. Voilà. Alors que la plupart de ses autres concurrents surfent sur l'actualité du moment et se mettent en contradiction, renient leurs propos, disent « j'ai jamais dit ça », puis là on leur présente les déclarations. Et donc il y a une certaine authenticité et qui participe un peu de sa popularité aussi du moment. Tout à fait. Puis en fait, il faut savoir qu'il est très, très populaire auprès des jeunes, auprès des millennials, comme on les appelle, ces jeunes, cette génération Y, qui est moins, disons, effarouchée par les qualificatifs comme socialistes. Ils n'ont pas connu le macartisme. Ils sont pris dans les dettes jusqu'au cou. Pour ceux qui ont fait des études collégiales, d'autres n'y ont carrément pas accès. Ils n'ont pas d'emploi. De moins en moins d'emplois, un salaire minimum qui permet pas de vivre, tout simplement. Donc, pour eux, les propositions de Bernie Sanders pour l'éducation postsecondaire gratuite dans les collèges publics, de lutter efficacement contre la dette étudiante de cette manière-là, plusieurs propositions, les soins de santé gratuits, ça les touche tout particulièrement. Donc, il y a vraiment une montée quand même assez incroyable. Et Jean, il y a deux semaines, Hillary Clinton venait de remporter un grand nombre d'États et tu me disais « Ah, c'est sans doute fini pour lui, c'est dommage. » Je te disais « Attention, attention, les États qui s'en viennent sont sans doute beaucoup plus favorables à Bernie Sanders. » Peut-être pas. Et il n'a fait que des gains depuis ce temps-là, en fait. Il a gagné de... coup sur coup, il a gagné 6 des derniers 7 États et aujourd'hui, c'est le Wyoming qui doit se prononcer. Il est donné presque gagnant d'avance tellement il est haut dans les sondages dans cet État. Ouais, puis une modélisation très intéressante à suivre sur le New York Times où on peut voir que s'il obtient en moyenne 60% des votes, il pourrait dépasser Hillary Clinton. Et on peut modéliser nous-mêmes en transportant, en jouant du clic pour voir les différentes possibilités et scénarios possibles et ça semble vraiment réaliste de dire qu'il pourrait peut-être se coiffer d'un bout de nez à la fin de la course. Ce qui est intéressant dans le phénomène Sanders, c'est qu'il incarnait au départ quelque chose d'assez marginal. C'est vraiment le mouvement Occupy et dans son discours, il y a énormément de choses qui viennent de ça. Par exemple, la dénonciation du 1%, la dénonciation de Wall Street, le pouvoir de l'argent aux États-Unis et ce mouvement-là, on sait que ça a un peu mal terminé, malheureusement, mais tout à coup, ça prouve à quel point c'était profond et à quel point les Américains ressentent ça, cette espèce d'injustice, cette dégradation de la classe moyenne. Et là, on a quelqu'un qui arrive avec ces idées-là qui paraissent complètement radicales, qui auraient pu paraître extrêmement radicales et qui devient, au contraire, extrêmement populaire. Et je pense qu'il faut souligner un sondage qui dit que contre Donald Trump, Sanders aurait plus de chances de gagner avec une marge encore plus forte que Hillary Clinton. Donc, le balancier qui est en train de virer de son bord, si les gens pensent qu'ils peuvent plus gagner. Mais n'oublions pas que c'est un sénateur indépendant. Au départ, c'était un sénateur indépendant. Ouais, est-ce qu'il est toujours sénateur indépendant? Il n'est pas sénateur démocrate. Ben, il est dans la course pour la nomination. Oui, mais il est indépendant. Est-ce qu'il pourrait... même s'il perd, être porté par une vague et se présenter indépendant, comme Ralph Nader l'avait fait avec l'appui des Verts. Il y a une partie de sa base militante qui le réclame, mais je pense que son entourage considère que ça serait vraiment pas une bonne chose que de parler de ça à ce stade-ci pour des raisons évidentes. Là, la course est chaude. Il y a que nous qui peut en parler. Oui, nous, on peut en parler, là, bien sûr, mais moi, je pense qu'évidemment, s'il n'est pas nommé... comme chef du Parti démocrate, ce serait vraiment une très grave erreur, d'une part parce qu'il y a 25 % de sa base militante qui s'est prononcée et qui ne votera jamais pour Hillary Clinton. Il y a tout un mouvement parti par une partie de sa base militante pour dire « jamais on endossera Hillary Clinton ». Et par contre, c'est pas, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partisans d'Hillary Clinton qui se rallieraient à Bernie Sanders. Oh. Et si on le met face à face avec un Donald Trump, on sait que Mme Clinton est très, très nerveuse et elle est très, très nerveuse actuellement là, dans la situation où son leadership est menacé. Elle s'attendait presque à un couronnement et là, tout à coup, elle se trouve avec quelqu'un qui la talonne, qui a 1079 délégués de gagner alors qu'elle en a 1298. L'écart se rétrécit mmh. à chaque fois qu'il y a un État qui se prononce. Et en fait, donc, elle fait gaffe. L'équipe Clinton fait gaffe sur gaffe ces temps-ci, là. Peut-être par, justement, même par son nervosité. Mari, même son mari qui s'est mis, il y a deux jours, le plié d'un plat dans le Black Lives Matter à dos, un petit peu, là. Oui. C'était un peu dommage de voir ça, mais peut-être qu'il a réagi sous le coup de la colère, mais il s'est un peu mis à dos les, quand même une grosse partie de la base électorale de Mme Clinton. Donc, c'est, moi, je pense que face à un Donald Trump, Hillary Clinton, avoir la réaction de son équipe à la campagne actuelle, et sachant que M. Trump ne mâchera certainement pas ses mots vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de son bilan aussi. Oui, il y a un petit côté macho qu'elle a mis à cacher. En plus, M. Sanders a quand même été très, très respectueux. Il n'a jamais fait d'attaque personnelle. Il attaque son bilan. Ça commence. On a vu quelques échanges. Il attaque son bilan, en fait. Ouais. Il attaque ses positions passées, ses prises de position passées. Mais M. Trump, ce ne serait pas du même niveau, du même calibre, je pense. Mm-hmm. Donc, d'après moi, le Parti démocrate serait bien avisé de présenter Bernie Sanders à la présidence des États-Unis plutôt qu'Hillary Clinton, mais bon, ce sera les délégués qui choisiront. Mais je suis pas certaine d'un résultat, je suis pas certaine de quel serait le résultat si c'était Mme Clinton contre M. Trump. Contre M. Ouais. Cruz, elle aurait peut-être plus de chance. Mais dans cette campagne aussi, ce qui est intéressant, c'est le financement. On sait le financement d'une campagne électorale, c'est à coût de millions de dollars de la part des grandes entreprises. Sanders a beaucoup d'argent dans sa campagne, mais c'est des petits dons. Mm-hmm. Donc, c'est Obama, quelque chose qui est assez nouveau. Obama avait profité du même phénomène. Lui aussi avait reçu des petits dons, sauf qu'à partir du moment où il s'est présenté contre les républicains, ben, c'est là que les dons des corporations sont arrivés de mm-hmm. manière massive. Et c'est sûr que ça a comme paralysé, à mon avis, là, beaucoup des actions d'Obama, qui a dominé d'ailleurs dans les postes qui s'occupaient de la finance des gens qui venaient de Wall Street. J'ai pas l'impression que Sanders va tomber dans cette trappe-là, ça risque d'être extrêmement intéressant. Mm-hmm. Parce que, en tout cas, c'est ça. Il gagne, il a reçu plus. Oups, excusez-moi. Une erreur du technicien. Mais c'est une façon peut-être trop brusque, mais je voulais vous dire qu'on achève. Malheureusement, c'est tellement intéressant. Moi, j'aurais envie d'annuler la prochaine émission avec les Gays Contre-Attaque pour continuer à vous entendre sur des sujets. Mais il faut, comme on dit dans la chanson d'Ashka les Saltimbanques, on lâche rien. Excuse-moi, Dominique. Tu me permets, Jean, de parler de salon. Quelques petits événements qui s'en viennent? Donc, on a le 14 avril prochain une conférence organisée par Alternative à Montréal qui s'appelle « Bernie Sanders, le réveil de la gauche américaine ». Ça risque d'être très intéressant. Ben oui. C'est à 19h au local d'Alternative au 3720 Avenue du Parc à Montréal, deuxième étage pour les gens de Montréal. Il y a aussi le 29 avril prochain une journée nationale pour le réinvestissement massif dans les programmes sociaux et les services publics, qui est organisé par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Et enfin, le printemps des alternatives qui va avoir lieu le 16 avril prochain, de 10h à 16h, en fait, à Place Jacques-Cartier, dans la bâtisse de la bibliothèque Gabriel-Leroy, plein d'organismes vont être 10h et 14h et 16h. Entre 10h et 16h pour organiser des ateliers, On en parlera justement la semaine prochaine. Mais ne manquez pas aussi la soirée relation, la santé au Québec, repenser en profondeur un système et une culture. Ça, c'est à bâbord.